Où va-t-il, ce navire? Il va, de jour vêtu, à l'avenir divin et pur, à la vertu, à la science qu'on voit luire, à la mort des fléaux, à l'oubli généreux, à l'abondance, au calme, au rire, à l'homme heureux. Il va, ce glorieux navire, au droit, à la raison, à la fraternité, à la religieuse et sainte vérité, sans impostures et sans voiles, à l'amour, sur les cœurs serrant son doux lien, au juste, au grand, au bon, au beau. Voyez bien qu'en effet il monte aux étoiles. Il porte l'homme à l'homme et l'esprit à l'esprit. Il civilise, ô gloire. Il ruine, il frélétrie tout l'affreux passé qui s'effare. Il abolit la loi de fer, la loi de sang, les glaives, les carcans, l'esclavage, en passant dans les cieux comme une fanfare. Il ramène au vrai ce que le faux repoussa. Il fait briller la foi dans l'œil de Spinoza et l'espoir sur le front de Hobbes. Il plane, rassurant, réchauffant, épanchant sur ce qui fut lugubre et ce qui fut méchant, toute la clémence de l'aube. Les vieux champs de bataille étaient là dans la nuit. Il passe. Et maintenant, voilà le jour qui luit sur ces grands charniers de l'histoire, où les siècles, penchant leur œil triste et profond, venaient regarder l'ombre effroyable que font les deux ailes de la victoire.